Level. It's a level of shit. It's a level, level. Moi, tu me présentes une bagnole. Je prends le mode Evo. Mode rallye. Truc de course. Truc extrême. Evo. À la pointe de l'évolution. Barrières éthiques, tout simplement. Des règles, quelques indépassables. Pour pas devenir fou. Mad dans ce système, quelques garde-fous posés pour borner l'hubris. Must be a devil between us or all the man. Il est un des into this world we born. Just dance. Excellent. Merci.